tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. Ça c'est culte. Salut les amis, c'est Manu. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Rock Alternative Show. Aujourd'hui, nous allons explorer les tréfonds du son de l'une des cités emblématiques de l'histoire du rock, la ville dite du Grand Brouillard, Londres. Pour attaquer, nous avons tout naturellement commencé par le cultissime London Calling des Clash. C'est dingue quand même. Ça a 40 ans cette année, et pourtant ça sonne toujours aussi bien, et on pense instantanément à cette pochette mythique avec Paul Simonon qui fracasse sa basse sur scène. Nous allons maintenant petit à petit rallier 2019 en attaquant par Damage Case de Motorhead, puis nous enchaînerons sur World on Fire de Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, qui, après leur troisième album conjoint Living the Dream en 2018, sortiront demain, le 20 septembre, un album live de cette tournée, logiquement baptisé Living the Dream Tour. Nous irons ensuite lorgner du côté des mômes de Shame et enfin des déglingués de la Fat White Family, qui ont sorti en avril un troisième album, Surf Up, qui ajoute un soupçon de pop et de hip-hop à leur punk affreux, sale et méchant. Un nom de film italien pour un groupe anglais sans cesse au bord de l'explosion. Yeah. see. Pick me, pick me, pick me, pick me. While I'm worth wasting. Try another technique. Taught me how to place in the past, but now it's fashionable. Nothing new, nothing new, nothing new. Unpeel the blue, unpeel the blue. It's over before it began. It's over before it began. Thank you. C'était la Fight White Family avec Touch the Laser, le groupe punk britannique qui sera samedi au Transborder de Villeurbanne en compagnie de Yak, Lizzy Strata, les Psychotic Monks, Bandy Bandy et Decibel. Ce plateau se fera dans le cadre de la première édition de la Messe de Minuit, le festival lyonnais créé par nos amis de Last Train et leur label Cold Fame. Si vous êtes sur Lyon ce week-end, courez à ce festival rock dont la programmation est juste dingue. Vous ne le regretterez pas. Pour choper des places, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site du festival www.messedeminuitaussingulieretoutattaché.fr. On en profite pour saluer Jean-Noël, Tim, Julien et Antoine, nos amis de Last Train, qui ont sorti ce vendredi 13 un album absolument sublime, The Big Picture, dont vous pouvez retrouver ma chronique sur Rock Alternative News. On va maintenant enchaîner avec les novices de Peeping Drexler, dont le premier EP éponyme est sorti en fin d'année dernière. Allez jeter une oreille, ça vaut vraiment la peine. Pour vous le prouver, on va se faire leur single Reaper Chase, suivi du Norgard des Vaccines. my singing voice. It's not irony. It's not rock and roll. We're just talking to the kids. Alors, ça fait-il pas du bien au cajamiel, ça? C'était les Vaccines avec Norgard. On va maintenant se pencher sur trois institutions du rock britannique qui ont toutes marqué leurs époques. On va commencer avec les Baby Shambles de Pete Doherty, dont on attend toujours le petit frère de Sequel to the Prequel, sorti en 2013, mais dont la reformation semble sentir vraiment le sapin, selon le principal intéressé. Nous dégusterons ensuite le Hunting for Witches de Bloc Party, qui a sorti cet été une version live de son album culte Silent Alarm, dont on fête déjà les 15 ans cette année. Et enfin, nous écouterons ce qui est sûrement l'hymne d'une génération, My Generation des Who. Allez, c'est parti, on y va. Same, oh, supposed to be the same. Ability. tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternative Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. We get around talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Ce genre de tube est décidément intemporel. On va enchaîner direct, sans transition, avec le groupe de Britpop Punk Elastica, puis avec Placebo et son titre Post Blue, extrait de l'album Meds en 2006. Sans doute l'un de mes morceaux préférés du groupe de Brian Molko. On attend d'ailleurs impatiemment leur prochaine livraison. Il se murmure également que le groupe va reprendre bientôt le chemin de la scène. À suivre donc de très très près si vous êtes fan. On poursuivra avec celui qui est le parrain du glam rock, Mark Bolan, alias T-Rex, et avec le Bombay Bicycle Club qui a mis fin cette année à 5 années de silence radio avec la sortie il y a une dizaine de jours d'un nouveau single intitulé Eat, Sleep, Wake, Nothing to You. Alors, allez y jeter une oreille, ça vaut vraiment le coup. between you and me. Radio. C'était Bombay Bicycle Club avec Overdone. Je vais maintenant vous passer un groupe que j'apprécie tout particulièrement, dont le cinquième album, sobrement intitulé Five, est sorti en début d'année. Je veux bien sûr parler des White Lies. À noter qu'ils seront en tournée européenne à l'automne prochain. On poursuivra ensuite avec Skunk Anansie et The Temperance Movement, dont le dernier album, A Deeper Cut, sorti l'an dernier, est une petite merveille. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir ma chronique sur la page Rock Alternative News. Nous terminerons ensuite par un groupe malheureusement dissous en 2016, mais dont les membres n'ont pas tardé à faire reparler d'eux, les Palma Violets avec Best of Friends. Allez les amis, on va écouter le meilleur. There's a part of me that still believes mess, it's a bloody mess. Tears fly, oh, a circle of angels deep in war, 'cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Deep as I am, little boy, you made your daddy a man. trouble, all of my trouble, trouble on my own. You ever did. Ah, ça sonne encore bien, vous trouvez pas? Bon, on va maintenant enchaîner avec un autre groupe disparu récemment, les Klaxons. Mais ses membres ne sont pas restés inactifs pour autant, avec notamment la création du supergroupe Youth of the Apocalypse. Ensuite, ce sera le tour de l'un des derniers groupes de rock anglais survivant des 60s, The Pretty Things. À noter que si vous êtes fan, une série de rééditions en édition vinyle remasterisée est désormais disponible. Puis, histoire de rester dans cette époque bénie des dieux du rock, nous écouterons une institution qu'il serait indécent de vous présenter, le All Along the Watchtower de Jimi Hendrix Experience. Inutile de vous en parler, il suffit de l'écouter. Les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. Little one. suggest she leaves for you. Ah, ce solo d'anthologie, j'en aurais presque un orgasme. C'était The Jimi Hendrix Experience avec All Along the Watchtower. Nous allons maintenant revenir en 2019 avec le groupe féminin britannique Goat Girl qui a sorti un premier album très prometteur l'année dernière. Nous nous dirigerons ensuite tout naturellement vers une autre institution du rock britannique, The Libertines. Aux dernières nouvelles, le groupe londonien mené par Pete Doherty et Karl Barat serait sans doute en train de plancher sur un nouvel album, 3 ans après Anthem for a Doomed Youth. Mais pour le moment, ni titre, ni date de sortie. Alors, en attendant de les retrouver dans les bacs, vous pourrez toujours les retrouver en concert à l'Olympia de Paris le 27 octobre prochain. Dépêchez-vous, on frise le sold out. Quant à Mumford & Sons, nous écouterons leur Believe, extrait de leur album de 2015, Wilder Mind. Suite à la sortie de leur 4e album studio Delta en novembre 2018, je vous invite à aller les découvrir la soirée de poche réalisée par Arte Concert. Il s'agit d'une session acoustique, vous allez voir, c'est que du bonheur. Cela vous permettra de mieux découvrir ce groupe atypique. Et nous conclurons ensuite avec les jeunes et tumultueux Yol, dont le punk débridé vous séduira, j'en suis convaincu. Tired of feeling sick and tired again. I tried to write

Bon ça, hein. Allez, on va maintenant s'écouter trois grands classiques. On va attaquer avec Skin and Bone des Kinks, un groupe de légende dont les fans attendent impatiemment le 25 octobre prochain et la sortie d'un coffret absolument sublime pour fêter les 50 ans de leur album mythique Arthur or the Decline and Fall of the British Empire. Mais les Kinks sont aussi un groupe à propos duquel les anecdotes pullulent. En effet, savez-vous par exemple comment est né le terme « fuzz » ? En réalité, pour obtenir le son de guitare ultra saturé de la chanson « You Really Got Me », présente sur le premier album éponyme des Kinks, Dave Davis a tailladé avec un rasoir le haut-parleur de son ampli LPK. La vibration ainsi produite a donné naissance, à l'effet connu sous le nom de « fuzz ». De même, les Kinks ont effectué leur première tournée américaine en 1965. Vous voyez, ça date pas d'hier. Celle-ci s'est révélée être un désastre absolu et le groupe s'est attiré les foudres de l'American Federation of Musicians. En a résulté 4 ans de bannissement du sol américain, privant ainsi les Kinks de leur participation à la British Invasion dans le sillage des Beatles. Cette sanction est semble-t-il justifiée par un incident survenu lors de l'émission télévisée de Dick Clark, Where the Action Is. Un mec qui allait travailler pour la chaîne a accusé les Kinks d'être en retard. Il a ensuite commencé, semble-t-il, à tenir des propos anti-britanniques du style « Ouais, simplement parce que les Beatles l'ont fait, n'importe quel adolescent acnéique pense qu'il peut venir ici et faire carrière ». Ce sont en tout cas les mots expliqués par Ray Davis. En guise de réponse, le frontman des Kinks lui a simplement collé une mandale. Au moins, c'est propre, c'est net, c'est précis. On va enchaîner ensuite avec un autre groupe pour lequel on regorge d'anecdotes. Ce sont bien évidemment les Rolling Stones, et dont les fans pourront découvrir une superbe réédition de l'album culte Let It Bleed à l'occasion de ses 50 ans. Il ne vous reste plus, chers amis, qu'à attendre le 1er novembre prochain pour la sortie. Et on ira ensuite du côté des années 90 avec l'un des deux monstres de la Britpop, Blur, et son Charmless Man. Allez, c'est parti! And then a fake dietitian put crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Craig, but then nature didn't make him that way. C'était Blur avec Charmless Man. Sans transition, on va maintenant tutoyer les étoiles avec trois de mes morceaux préférés. On va d'abord embarquer dans une navette spatiale avec Sting et son groupe The Police, puis flotter au-dessus des nuages avec Pink Floyd, et enfin déguster un des titres les plus méconnus du regretté David Bowie, Remembering Mary A. Allez, en route pour la Lune et le septième ciel. Thank you. Another one. biggest wave race towards another grave. It was a day in that blue month, September, silent beneath the plum tree's slender shade. I held her there, my love so pale and silent, as if she were a dream that must not fade. Above us in the shining summer heaven, there was a cloud my eyes dwelt long upon. It was quite white and very high above us. Then I looked up and found that it had gone. And since that day, so many moons in silence have swum across the sky and gone below. The plum trees surely have been chopped for firewood. And if you ask, how does that love seem now? I must admit, I really can't remember. And yet I know what you are trying to say. But what her face was like, I know no longer. I only know I kissed it on that day. As for the kiss, I'd long ago forgot it. But for the cloud that floated in the sky, I know that still and shall forever know it. It was quite white and moved in very high. It may be that the plum trees still are blooming. That woman's seventh child may now be there. And yet that cloud had only bloomed for minutes. When I looked up, it vanished on the air. C'était Remembering Mary A de David Bowie. Voilà. Ce troisième numéro du Rock Alternative Show est maintenant terminé. Et pour se quitter, je ne pouvais pas passer à côté du prince de la pop britannique que l'on voit et entend partout depuis quelques mois et la sortie de son biopic Rocketman. Vous l'avez compris, nous allons parler d'Elton John. Elton John que nous allons écouter avec son titre « I'm Still Standing ». Et comme Sir Elton, je serai encore là la semaine prochaine. Alors avant cela, je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 21h pour le Stone Rock Live en compagnie de deux groupes programmés cette année au Festival du Cabaret Vert, les Britanniques de James et les Californiens électriques et déjantés de Aussies. On se retrouve évidemment jeudi prochain à partir de 20h pour un nouvel épisode du Rock Alternative Show. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, la musique c'est comme l'amour, ça se partage. Et si c'est trop fort, c'est que vous êtes trop vieux. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite et d'ici là, je vous embrasse. Salut, bye bye! Lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. Now I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win. You're starting down the road leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces.